léger, un défait crémé, nous te vivrais bien. Depuis, nous fîmes mariés, vous voulez changer, cher. Yo t'es toujours diffamé, gratte. C'est coulé à moi, vin ou ça. Cependant, moi pas de penser ta femme transaction. Moi résigne subitement. Ma chère souffle la joindre parent. Ma bien content. Pour mettre à l'échec, ma résigne. Pour mettre à l'échec, ma consolé. Parce que ou même pas pe travail, ou a fait moi y passer au trail. Son seul bagaille m'a pensé, c'est divorcer. Manger du matin, oui, ça a mis qui m'a gagné. Manger midi, ça souhait. Et puis, il y a tout le temps la sortie. Tout le temps la sortie, côté le bras, l'eau, on est. Qui va comprendre l'aller? Kaye m'attend. Kaye m'attend. Et puis, on va arriver, on va pour manger, ça compte, m'a mangé. On va à compter, m'a mangé. Qui signifie que l'eau a mangé à compter, si vous faut tout pour qu'on finisse, manger à finir sur table. Vous voulez ça manger à compter. On n'est pas capable de me ça. Seul bagaille m'a pensé, c'est